La chaussée est marquée à droite par une voie réservée aux cyclistes. Cette signalisation me le confirme. En m'arrêtant à cet endroit, j'oblige un éventuel cycliste à passer sur la chaussée principale, ce qui peut s'avérer dangereux vu l'étroitesse de la rue. Je ne m'arrête donc pas à cet endroit. Réponse B.